La séance de lecture et l'exposé du message de nouvel an du dirigeant suprême Kim Jong-un ont eu lieu en Guinée et en Angola en présence des personnalités de diverses couches. À la suite de la lecture et l'exposé du message de la nouvelle année, il y a eu des discours. Les orateurs ont dit que le message de nouvel an du dirigeant suprême coréen a un profond retentissement dans la communauté internationale et que le monde entier l'exalte pour sa capacité politique et militaire extraordinaire.